Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous à ce journal. Bienvenue dans Voici l'essentiel. Le gouvernement du Burundi souhaite être parmi les pays émergents d'ici 2040. Ce souhait a été émis par le numéro 1 burundais lors d'un forum pour le développement, deuxième édition au cours de la semaine écoulée. Et le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique est en train d'organiser des formations à l'endroit des médiateurs collinaires. C'est ce qu'a indiqué le ministre Martin Niterete. À Bururi, des personnes vivant avec handicap sont capables de faire d'autres métiers pour subvenir à leurs besoins. Voilà pour les titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, le gouvernement burundais a l'ambition de voir son peuple sortir de l'impasse économique d'ici 2040 et que le pays soit parmi les pays développés en 2060. Le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, a émis ce souhait dans le forum de deux jours tenu à Bujumbura, la capitale économique. Suivez à ce propos le président Evariste Ndayishimiye dans ses propos traduits en français par Evariste Ndikobanyanga. Dushaka kubona igihugu cyacu ari igihugu cyifashe kandi gifise impore igihugu murundi wese afungura neza kandi afise uburaro bushemeye. Nous voulons voir un pays développé et paisible, un pays où son peuple trouve à manger et qui a une maison décente. Nous voulons un pays où chaque citoyen a un travail qui lui procure de moyens financiers pour vivre. Bref, nous voulons un pays où tout le monde y mène une vie meilleure. C'est pourquoi nous entamons une voie qui mène vers ce pays de notre rêve, sans distinction aucune. Bref, pour arriver sur ce développement, on doit quitter l'impasse. Nous voulons avoir le nom dans le concert des nations. Nous voulons que d'ici 2040, le Burundi soit doté de l'électricité en suffisance pour qu'aucun Burundais n'utilise le torcheur. Nous voulons qu'au cours de cette année, le Burundi soit un pays développé, caractérisé par la beauté de bonnes routes, pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Une situation qui nous permettra de cheminer vers 2060, étant un pays cité parmi les pays développés du monde. En cette période, nous voulons voir tous les Burundais ayant des marchandises à vendre, tout en quittant le fait que les gens vont acheter sans toutefois vendre et rentrer bredouille alors qu'ils ont de l'argent. Aucun Burundais ne peut manquer quoi vendre. Même les intellectuels peuvent vendre leurs connaissances. Au cours de ce forum, le chef de l'État a lancé un appel vibrant à tous les Burundais à fournir leurs efforts pour que le pays arrive sur l'objectif qu'il s'est fixé. Evariste Ndayishimiye a mis en garde les ministres de son gouvernement en ce qui est l'exécution des programmes financés par le budget du gouvernement. Encore une fois, suivez Evariste Ndayishimiye, le président du pays. Il est temps que toute autorité puisse abandonner la paresse. C'est pourquoi, dans les prévisions du budget de l'État de l'année en cours, l'on a décidé qu'après chaque trimestre, l'on va évaluer l'exécution du programme. En cas de non-exécution, le budget va être affecté ailleurs. Vous entendrez que ce ministère sera mal coté. Chers députés, vous entendez que vous devriez nous préparer une loi relative. Cette dernière va nous aider à bien évaluer tout ministère pour voir celui qui aura démérité. Vous entendrez le sort qui sera réservé à ce dernier. Poursuivons cette édition. Le ministère de l'Intérieur est en train d'organiser des formations à l'endroit des médiateurs collinaires. Dans une conférence de presse ce mercredi de la semaine en cours, le ministre Martin Niterete a expliqué qu'il n'y a pas de chevauchement entre les médiateurs collinaires et les élus collinaires. Une bonne collaboration entre eux s'avère utile, a-t-il ajouté. Au cours de cette même conférence de presse, le ministre intéressé a indiqué que la construction d'une digue à Gatumba n'est pas une solution durable. Pour lui, Gatumba n'est pas une zone viable. L'État est en train de chercher des espaces où ses habitants de Gatumba pourront construire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Et pour ne pas citer essentiel, cette édition peut être réécoutée sur le www.isanganiro.org. Une personne vivant avec handicap est capable d'exercer un métier pour l'autodéveloppement et par conséquent développer son pays. Ce sont les propos de Benoît Nikiza, un jeune dessinateur et en même temps étudiant à l'Université des Grands Lacs à Bururi qui sope aujourd'hui le Minerval. Même ceux qui exercent ce genre de métier font quelquefois face aux manques de clients. Ce jeune demande à l'État de chercher les marchés d'écoulement et de leur produits en même temps et de les vendre à l'étranger, Zenon Nzambimana. Les personnes vivant avec handicap qui exercent leur métier au chef-lieu de la province de Bururi, comme les tailleurs, les dessinateurs, les peintres et les coiffeurs et bien d'autres, confirment qu'ils sont capables de satisfaire certains des besoins de leur famille malgré la cherté de la vie d'aujourd'hui. C'est le cas de Benoît Nikiza, un jeune dessinateur peintre depuis 2017, en même temps étudiant à l'université des Grands Lacs, campus Bururi. Il fait savoir qu'il vit grâce à son métier, soper lui-même le minerval, et est devenu contribuable comme d'autres. Cependant, Benoît Nikiza fait savoir que de même que leurs collègues exerçant le même métier font face aux problèmes liés au manque de marché d'écoulement de leurs produits. Benoît Nikiza demande à l'État d'organiser beaucoup de séances d'exposition de leurs produits et chercher des marchés d'écoulement, même à l'étranger, pour qu'ils puissent arriver au développement. Ces personnes appellent d'autres vivants avec handicap à chercher un métier à exercer pour éviter de commander, car eux aussi sont capables. Depuis Bururi, Zenon Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zenon Nzambimana. Et pour boucler cette édition, deux équipes nationales féminines, cadettes et juniors de handball, ont pris voyage ce samedi à destination de Dar es Salaam en Tanzanie pour participer à la compétition de la Fédération internationale de handball Challenge Trophy de la zone 5 qui aura lieu du 25 au 30 courant. De fait, Nico Bamier, président de la Fédération burundaise de handball, fait savoir que malgré cette participation à cette compétition, le manque de moyens pour participer aux compétitions internationales est l'un des défis qui hante le handball burundais. Aujourd'hui, nous avons des équipes qui vont représenter le Burundi au niveau de la zone 5. Il s'agit d'une compétition organisée par la Fédération internationale. Donc, c'est dans ce cadre que nous envoyons des équipes pour nous tester, pour nous évaluer sur les progrès qu'on a déjà fait au niveau de la fédération et au niveau du handball féminin. Ça fait un bout de temps que nous observons des problèmes au niveau des moyens. Mais pour ce cas-ci, la fédération a cherché un peu de moyens, bien sûr, avec l'appui de la Fédération internationale. Donc, j'aimerais interpeller aussi nos autorités pour qu'ils puissent nous appuyer. Parce que si une équipe fait une sortie pareille, c'est pour l'image du pays. Donc, je voudrais lancer un appel à toutes les autorités pour que dans l'avenir, ils puissent nous soutenir dans des conditions pareilles. Cette sortie a quel impact pour le handball féminin au Burundi? Ça a un grand impact parce que d'abord, ça faisait longtemps que nous voyions une équipe féminine aller dans des compétitions comme celle-ci. Et puis, ça donne une motivation pour des générations futures. En plus, c'est dans notre objectif au niveau de la fédération de soutenir le handball féminin qu'on a pu conjuguer nos efforts pour qu'on puisse être à Dar es Salaam et participer dans cette compétition. De fin, Nico Bamier est président de la Fédération burundaise de handball et ses propos étaient recueillis par Etienne Manirakiza. Ainsi, à 13h05, nous arrivons à bon port. C'est par ici que nous mettons la boucle de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Chancela Mugisha-Yumana pour la mise en onde. Gardez l'écoute, le programme continue sur Isanganiro.